Thank you. marcheur saisit le fil de la plainte. Aidé d'un aigle à deux têtes, il accélère sa course vers le corps. La vallée fait alors claquer ses vents. Le temps empêche le pas. Un tapis de chardon ardent entoure la naufragée. Une colonie de macaques vengeurs hurle la mélodie de la terreur. Thank you. Quelques traces d'une ancienne trace, ancienne empreinte ont marqué la couvrant mon corps.